remise. Ça fait bientôt 20 siècles. Et ça fait trop longtemps. Dans le désert, ils ont planté des oliviers et les autres pour les arracher. Oubliez que ça fait bientôt 20 siècles. Et tant de morts pour rien. Et toute cette souffrance, on s'en est lavé les mains. Jusqu'à quand faudra-t-il laisser couler le sang de ces justes